pas changé. Non, même si l'orage l'a venu de l'air, moi toujours dit pour l'amour, moi déni. Depuis le premier jour, moi ouais. Depuis je vois pour moi dans la vie, moi rien encore arrivé. Chimère, nous fait à tes belles. Chimère, nous en. Faut que chimère, nous cas.